La filière, une enquête de Philip Sands. Écrite et racontée par Philip Sands. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Philip Sands a enquêté pendant plus de 10 ans sur Otto Wächter, un officier nazi responsable du massacre de milliers de juifs de 1942 à 1945 qui a échappé à la justice. Grâce aux archives familiales confiées par son fils, Horst Wächter, Philip Sands a pu se faire une idée de la vie d'Otto Wächter et de celle de sa femme, Charlotte, de leurs années de jeunesse jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Troisième épisode, la grande rafle. Ça fait presque 10 ans que je connais Horst Wächter. J'ai appris à le connaître, à l'apprécier. S'il m'a ouvert les archives de sa famille, c'est parce qu'il veut explorer avec moi la place qu'occupe son père dans l'histoire. Mais dès que je le confronte au fait que Otto Wächter était du côté des bourreaux, dès que je lui apporte la preuve de sa responsabilité dans l'entreprise de destruction des Juifs d'Europe, il refuse l'évidence. Devant moi, j'ai un vieux monsieur qui continue de se battre pour l'honneur d'un homme qu'il a à peine connu. Ce déni de réalité me trouble et m'exaspère. Je m'appelle Philip Sands et vous écoutez La Filière. Document numéro 000508 du registre central des criminels de guerre. Date des crimes, 1942-1945. Lieu, Lemberg. L'intéressé est responsable de massacres, d'assassinats et d'exécutions commis sous son commandement alors qu'il était gouverneur de Galicie. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté que j'ai découvert que le gouvernement polonais, en exil à Londres, avait accusé Otto Wächter de meurtre de masse dès 1942. Il figurait sur une liste, un top 10 des criminels les plus sanguinaires de l'époque. Criminel sanguinaire, j'ai du mal à trouver le mot juste. J'aime bien le mot de bourreau, mais je suis avocat et je vais utiliser une expression de droit international. Accusé de génocide. Je vais vous raconter comment j'ai pu établir un lien entre le destin de la famille de mon grand-père, Léon Buchholz, et Otto Wächter, alors gouverneur de l'Est de la Pologne. De par sa fonction, Otto Wächter était en haut de la chaîne de commandement qui avait contribué à l'exécution de la famille de mon grand-père. Je le savais, mais je voulais des preuves. Je voulais établir le lien entre lui et nous. Je suis allé à Washington. Okay, right. We can now start. Bien, on peut commencer. So, if you could tell me, pouvez-vous me dire qui vous êtes? I'm David Rich. Je m'appelle David Rich. Je suis historien au ministère de la Justice. Eli Rosenbaum, procureur. Je poursuis au nom de l'État américain les criminels nazis qui résident aux États-Unis, souvent depuis très longtemps. Je m'occupe de ces dossiers depuis 1994. David et Eli travaillent au Bureau des droits de l'homme et des enquêtes spéciales du département américain de la justice. Ces enquêtes spéciales concernent exclusivement les crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale. David Rich est chasseur de nazis depuis 22 ans, 7 de moins que Eli Rosenbaum. Il est l'un des 6 historiens professionnels en poste au ministère. Comme ses collègues, il s'occupe du travail d'instruction préalable à tout procès. It's not abstract work, it's not theoretical work. Ce n'est pas du travail abstrait, théorique, ni une recherche intellectuelle. Au contraire, nous cherchons des faits, des documents dont on sait qu'ils pourront être versés à un dossier, des éléments de preuve qui pourront être recevables devant un tribunal. Or, les crimes dont il est question justifient la tenue d'un procès. Je suis avocat international. Chercher des preuves, établir la vérité, c'est ce que je fais. Ça fait 10 ans que je cherche, moi aussi, les éléments irréfutables de la culpabilité d'Otto Wächter. je cherche surtout à éclaircir la question centrale posée par l'Holocauste. Comment des êtres humains ordinaires, éduqués et sensibles sont-ils impliqués dans les actes qui choquent la conscience de l'humanité? Mais des preuves de la culpabilité d'Otto, il n'y en a pas. En tout cas, pas de document dans lequel Otto Wächter aurait ordonné, d'un coup de tampon, d'un trait de plume, l'exécution de dizaines de milliers de personnes. Pas non plus de discours enflammés sur la vermine, sur les Untermenschen, les sous-hommes. Ce n'était pas son genre à Otto, contrairement à son patron Hans Frank. Car Wächter était un homme de dossier, mesuré, rationnel, qui, comme il l'a écrit dans une lettre en 1938, ne cherchait qu'à mettre en œuvre la volonté du Führer. C'est cette quasi-absence de traces, de preuves formelles, et le fait que le procès d'Otto Wächter n'a jamais eu lieu, qui ont ouvert une zone grise, un terrain de mésentente entre Horst et moi. Nous ne sommes pas d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la responsabilité de son père. Lui me répète inlassablement qu'au sein de l'État nazi, il y avait deux chaînes de commandement parallèles. D'un côté, une administration civile, pour laquelle travaillait Otto Wächter, et de l'autre, la Schutzstaffel, la tentaculaire organisation SS, un État dans l'État, à la fois militaire, politique et policier, chargé notamment de regrouper et d'éliminer les Juifs et les opposants au régime. Il était membre de la SS, bien sûr, déjà bien avant la guerre. Il obéissait aux ordres. Et puis Hans Frank l'a muté et il a rejoint l'administration. Il a quitté la SS. Pour Horst, Otto ne peut être tenu responsable de la mort de la famille de mon grand-père. Il admet que son père a joué un rôle dans le système. Mais pour lui, il n'était qu'un rouage de la machine, un fonctionnaire au service de l'efficacité bureaucratique. Parce qu'il était gouverneur, d'abord à Cracovie, puis en Galicie, Otto Wächter dirigeait de vastes territoires de la Pologne, puis de l'Union soviétique occupée. Il a fini sa carrière avec un grade de Gruppenführer, général 3 étoiles. Seul Himmler avait plus de galons que lui. Allez 2 pages plus loin, numéro 5 de 7. Anordnung, c'est-à-dire décret. C'est le décret qui ordonne la construction d'un quartier réservé aux Juifs à Cracovie, la création du ghetto. Il y a le plan, la liste des habitants, et c'est signé Otto Wächter. 3 mars 1941. C'est ça. C'est la construction du ghetto de Cracovie. Exactement. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le point de départ d'un génocide? Oui. Fin 1940, à Cracovie, Otto Wächter ordonne l'expulsion de 68 000 Juifs. L'année suivante, il signe le décret qui autorise la création d'un ghetto pour enfermer les Juifs qui sont restés. C'est une des premières étapes visant à rassembler les Juifs et à les isoler du reste de la population. Un processus d'identification et de déshumanisation qui ouvre la voie à leur élimination. Et quand il est muté à Lemberg, il continue de s'intéresser à la question juive. Ce document est le procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 9 janvier 1942. Ordre du jour, la déportation des Juifs de Lemberg. C'est un mémo destiné à l'administration. Pas à la SS. Il n'a pas été rédigé et préparé par la SS, mais par et pour l'administration civile. Son but est de préciser les mesures d'application de la politique du Reich à l'égard des Juifs. La réunion a eu lieu à peu près au même moment que la conférence de Wannsee à Berlin et juste avant la première opération majeure de déportation des Juifs en mars 1942. Le 20 janvier 1942, dans une jolie villa à Wannsee, un quartier de Berlin, 15 hommes se réunissent pour mettre au point l'organisation administrative, technique et économique de la solution finale de la question juive. Autrement dit, pour planifier l'extermination des Juifs d'Europe. La réunion dure moins de 2 heures. un problème est soulevé. Où rassembler ces juifs pour pouvoir les tuer facilement? Joseph Bühler, un collègue de Hans Frank et Otto Wächter, propose aux dévotés d'utiliser les territoires polonais. C'est ainsi qu'au cours des mois suivants, des camps sortent de terre à Belzec, à Sobibor et à Treblinka. Ils sont conçus et bâtis par Odilo Globocznik, Globus, le collègue et ami d'Otto et Charlotte. En 1942, entre le 16 mars et le 1er avril, 15 000 juifs de Lemberg sont déportés à Belzec, le camp le plus proche, pour y être assassinés. Cette rafle a un nom de code, l'opération Reinhardt. Je demande à David Rich de m'expliquer la teneur d'une autre lettre qu'il est allé chercher dans les archives. Je lis. Concernant la déportation des Juifs de Lemberg, ceux-ci doivent être acheminés vers des petites villes de province à l'écart des grands axes et dans des zones isolées. Ça veut dire que les Juifs vont être éliminés de la vie publique. On va les transférer dans des endroits où personne ne les verra. Mais dans les faits, même à cette période, le camp d'extermination principal où ces opérations devaient se dérouler, à savoir le camp de Belzec, était fin prêt. Et les autorités allemandes savaient pertinemment ce qui allait arriver aux Juifs. Le mémo est antérieur à l'entrée en fonction du nouveau gouverneur de Galicie, Otto Wächter. Pourquoi, David, me montre-t-il ce document? À son arrivée, Wächter hérite de l'administration, c'est-à-dire du personnel et des organisations, mais aussi des politiques lancées par son prédécesseur, qui avait été écarté parce qu'il était corrompu, pas parce qu'il avait fait des erreurs stratégiques. Il n'y a aucune raison de penser, aucune preuve qui montre que Wächter et résister à ce qui était en place à sa prise de poste. À cette époque, au printemps et à l'été 1942, Charlotte et ses enfants sont à Zell am See. Ils profitent de la montagne, font du bateau, se baignent dans le lac. Dans les lettres qu'échangent Otto et Charlotte, les Juifs, les déportations et les exterminations n'existent pas. Jamais un mot non plus dans les lettres, les journaux intimes et les souvenirs écrits par Charlotte des années plus tard. Mon chéri, je viens de raccrocher le téléphone et je suis heureuse d'avoir pu te parler. J'ai tellement envie de t'étreindre. Tu devrais venir voir les enfants et la maison qui est magnifique et passer quelques jours avec nous, au moins une nuit avec moi. C'est tellement beau ici que j'ai peur d'être trop heureuse. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait pour mériter ça. Le grand air fait du bien aux enfants. Ils mangent comme quatre. Seule ombre au tableau, ton absence. Tu nous manques. Ce serait le bonheur total si tu passais du temps avec nous. Rien ne remplace la vie de famille. Il faut en profiter. Je me languis de tes baisers. David Rich me tend un second mémo daté du 13 mars 1942, signé de la main d'Otto Wächter. Il s'agit d'un décret qui encadre, profession par profession, l'activité des Juifs, en leur interdisant d'exercer leur métier, puis en les forçant à effectuer des travaux pour lesquels ils sont finalement jugés inaptes, on les condamne insidieusement à mort. Ce document est intéressant à deux niveaux. D'abord, il montre à quel point les Juifs étaient ségrégés et persécutés dans la zone que Wächter contrôlait. Et il apporte la preuve que des services placés directement sous son autorité appliquaient les mesures antisémites. Le plus important, c'était le service du travail, une agence qui existait dans tous les territoires occupés par l'Allemagne et qui organisait l'exploitation des Juifs. Le mémo est signé Otto Wächter, gouverneur du district de Galicie. Mais il me semble qu'il ne condamne personne à mort, ce mémo. Je demande à David ce qui incrimine Otto. C'est la corrélation entre la date où le mémo a été signé et le début de la première grande opération d'extermination des Juifs à Belzec. Et c'était quand ? Le 15 mars 1942. Des rafles massives ont eu lieu dans le district voisin de Lublin, où Odilo Globocnik était en poste. Toujours Globius. Et aussi à Lemberg. Ce sont les premières rafles de Juifs jugées inaptes au travail. Tous avaient été sélectionnés, notamment par le service du travail, comme étant des gens qui ne pourraient jamais sortir du chômage. Souvent, il s'agissait de mendiants, de gens pauvres, âgés. S'ils étaient incapables de travailler et s'ils n'étaient pas non plus soutien de famille, ils étaient déportés. Autrement dit, ce décret signé par Otto Wächter prouve l'existence d'une procédure de tri entre ceux qui pouvaient travailler et ceux qui ne le pouvaient pas. Pour ces derniers, cela entraînait la déportation à Belzec. Oui. C'est un document crucial. Oui. Parmi la correspondance de Charlotte et Otto, je me rends compte qu'il y a des informations que personne n'a jamais vues. Pas même David Rich. Ma chérie, c'est toujours pareil. Chaque matin, je me dis que je vais t'écrire. Mais je suis submergé de travail et le soir, je m'écroule dans mon lit, mort de fatigue. C'est comme ça tous les jours. À Lemberg, le temps passe et file à toute allure. J'ai eu beaucoup de choses à faire depuis ton départ. Consigner le rendement de la production agricole, fournir des travailleurs au Reich, déjà 250 000 dans le district, et m'occuper de la grande opération contre les Juifs qui se poursuit. Embrasse les enfants pour moi. Avec tout mon amour, à toi à jamais. Otto écrit cette lettre à sa femme le 16 août 1942. Il était parti à Cracovie pour le congrès du Parti National Socialiste et pense à tout ce qu'il doit faire en rentrant à Lemberg. Sur sa to-do list, la grande opération contre les Juifs, la grosse action. Ça a commencé dans la soirée du 9 au 10 août. Pendant deux semaines, la police ukrainienne, placée sous le contrôle du chef de la police municipale, a ratissé systématiquement la ville. Et tous les Juifs qui ne disposaient pas du papier fourni par le service du travail, tamponné par la SS, étaient aussitôt arrêtés et déportés à Belzec, où 100% d'entre eux ont été gazés. Au moins 40 000 Juifs ont été tués pendant cette opération. 40 000 personnes jugées indignes de vivre, raflées et exécutées. Et pendant ce temps-là, Lemberg, le 29 août. Les travaux dans le jardin ont pris beaucoup de retard, malheureusement. On manque de main-d'œuvre, de plus en plus de Juifs ont été déportés, et on a du mal à se procurer de la terre battue pour le court de tennis. Sur les milliers de lettres que Otto et Charlotte se sont écrites, cette mention « de plus en plus de Juifs sont déportés » et « la grosse opération contre les Juifs » de la lettre précédente sont les deux seules que j'ai pu relever après les avoir toutes passées au peigne fin. Je suis aussi tombé sur une lettre de Heinrich Himmler, le Reichsführer, chef suprême de la SS et de toutes les polices du Reich. Cette lettre de Himmler, datée du 25 août 1942, relate une rencontre avec Otto une semaine plus tôt, alors que les rafles battent leur plein. Cher camarade, j'étais à Lemberg récemment où j'ai eu une discussion très franche avec le gouverneur général, le SS-Brigadeführer Wächter. Je lui ai demandé s'il voulait être muté à Vienne. Ça aurait été une erreur de ma part de ne pas lui poser cette question clairement. Sa réponse a été non. Reste à voir comment il se comportera après notre discussion. Je tenais à vous en informer. Heil Hitler. Bien à vous, Heinrich Himmler. Otto aurait pu partir. On lui offrait un poste bien planqué à Vienne. On ne l'envoyait pas à se faire tuer sur le front de l'Est. il n'aurait pas eu à s'occuper du sale boulot, puisque tous les Juifs avaient déjà été déportés. Mais il choisit de rester à Lemberg et de prendre à bras-le-corps la mise en œuvre de la politique nazie. Une politique dont il savait qu'elle consistait à massacrer des êtres humains à échelle industrielle. Car ce sont 500 000 Juifs au moins qui ont été exécutés alors que Otto Werchter était gouverneur. Parmi ce demi-million, il y a la totalité des Juifs de Lemberg, dont la famille de mon grand-père. Je voudrais que ce soit bien clair, David. Ce que je comprends de la note de Himmler, c'est ça. Werchter, si vous préférez ne pas vous mêler de ce qui se passe et de ce qui va se passer, c'est une option. Exactement. Je hoche la tête, oui. En fait, il y a eu des incidents qui ont embarrassé Werchter quand il a reçu Himmler, qui était venu de Berlin pour observer sur le terrain la Grosse Aktion, la grande opération. Des gens ont été abattus en pleine rue. Des dizaines de milliers d'autres gens raflés, envoyés à la chambre à gaz. Et pourtant, deux semaines plus tard, Werchter déclare à son boss SS que tout roule, qu'il veut rester et continuer sa mission en Galicie. Eli, un commentaire ? Ça fait 35 ans que j'enquête et que j'engage des poursuites contre des criminels de guerre nazie aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'interroger des dizaines de gens, dont beaucoup d'anciens gardes qui travaillaient dans les camps de concentration. Tous, sans exception, enfin, tous ceux qui reconnaissent les faits, m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu le choix. Otto Werchter, c'est quand même tout à fait particulier, est, à ma connaissance, la seule personne qui s'est vue offrir un poste où il n'aurait plus à commettre des meurtres et qui a décliné l'offre. Il ne risquait pas d'être envoyé au front, il aurait eu un bon petit boulot pépère à Vienne. J'ai montré la lettre de Himmler à Horst qui m'en a fait une toute autre interprétation. Pour lui, son père était troublé par les événements, par les persécutions, mais il ne pouvait pas s'y opposer. Le refus du repli à Vienne n'indique en aucune façon une allégeance, au contraire. Mon père a refusé en disant « Je ne pourrais rien faire là-bas, pourquoi devrais-je y aller ?» Il a refusé de participer à tout ça. His son Horst takes refuge in the Horst se réfugie derrière l'absence de tout document signé par son père condamnant des Juifs à mort. Si Adolf Hitler avait eu des enfants, ils auraient réagi de la même manière. Où est l'ordre d'assassiner les Juifs signé de sa main ? Il n'y en a pas. Il faut dire que la plupart des ordres étaient transmis par téléphone ou en personne. Quant aux documents écrits, ils ont été détruits. Près de 95% des archives allemandes en Europe ont été détruites pendant la retraite. La consigne était de ne rien mettre noir sur blanc. Pour moi, il n'y a pas la moindre ambiguïté sur la responsabilité d'Otto Werchter dans ces grosses actions, les opérations d'extermination. Horst dirait que Otto s'est engagé dans la SS pour défendre une certaine idée de l'Allemagne, la grande Allemagne. Et par haine du communisme, pas pour exterminer les Juifs. Mais c'est pas correct. Même si je sais à quel point il est périlleux de réécrire l'histoire, je me dis que si Otto Werchter avait été arrêté en 1945, il aurait été jugé, condamné à mort et pendu à Nuremberg, comme Hans Frank, comme Arthur Seyss-Inquart. Otto reste à Lemberg jusqu'en juillet 1944, avant de fuir devant l'armée rouge. Il est envoyé dans la République de Salo, créée un an plus tôt par Benito Mussolini, dans le nord de l'Italie, au bord du lac de Garde. Dans cet état fantoche, dirigé par les Allemands, Otto devient chef de l'administration militaire de la Wehrmacht en Italie. Il travaille avec son vieil ami Odilo Globocnik. Il restera moins de 6 mois. Les Alliés approchent depuis le sud de l'Italie. Otto bat en retraite. Et c'est là qu'un jour d'avril 1945, Otto passe un dernier coup de fil à Charlotte. À la suite de cet appel, Charlotte enterre ses bijoux et détruit les papiers de son mari. Or, pour une raison que j'ai du mal à comprendre, Horst s'imagine que ses archives auraient totalement innocenté son père. Je pense qu'il avait conservé tous les papiers que ma mère a brûlés pour pouvoir se justifier. C'est la victoire des uns, la défaite des autres, et, pour les nazis déchus, l'avenir paraît bien sombre. Charlotte est enceinte, encore une fois. Mercredi 8 mai 1945, la guerre est terminée. La journée d'hier a été marquée par la victoire de nos ennemis. J'en reste sans voix. Est-ce vraiment la fin de tout ce que nous voulions bâtir? Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Vendredi dernier, j'ai décidé de me débarrasser du bébé que j'attendais. Charlotte choisit donc d'avorter. Mais ce monde s'écroule. C'est la fin. Parmi la masse de papiers que Horst m'a confiés, il y a une lettre que Charlotte a reçue après la guerre. Elle n'est pas écrite par Otto, mais indique où il se trouvait au moment de la défaite, en Autriche. On m'a dit que le jour de la capitulation, votre époux se trouvait à Graz avec le commandant Kesselring. Il était convenu qu'il retrouverait M. Lohmann dans un lieu de rendez-vous tenu secret et qu'ils quitteraient Graz ensemble dans une voiture conduite par son chauffeur. Mais votre mari voulait revoir une dernière fois sa division SS avant de partir. Lohmann l'a attendu pendant des heures, mais votre mari n'est jamais venu au rendez-vous. Depuis, on a complètement perdu sa trace. La guerre est finie et Otto a disparu. Complètement. Traqué par le nouveau gouvernement polonais communiste et par les Américains, il s'est évaporé, comme il avait déjà fait en 1934, après son putsch raté à Vienne. Il faudra un an, à l'été 1946, en plein procès de Nuremberg, pour qu'il soit inculpé officiellement. Les Américains et les Britanniques le cherchent, les Soviétiques et les Juifs aussi. Seule sa femme sait où il est. Dans le prochain épisode de La Filière, je vous raconterai la cavale d'Otto Wächter dans le chaos de l'Europe de l'après-guerre. Il ne se cache pas bien loin et surtout, il n'a jamais coupé les ponts avec sa femme chérie. C'était La Filière, une enquête de Philip Sounds. Écrite et racontée par Philip Sounds. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Musique originale, Sekou Keïta et Catherine Finch. Avec Irène Jacob pour la voix de Charlotte Wächter. Lambert Wilson pour la voix de Otto Wächter. Et Horst Wächter à Hagenberg en Autriche, voix française, Emmanuel Ménard. David Rich et Eli Rosenbaum à Washington. Voix française, Vincent Rouquès et Pascal Taureau. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr.